Résurrection. Je regarde l'heure. Nous avons encore largement le temps avant de songer à l'extinction des feux, d'autant que pour Nathalie, la matinée de demain sera réservée à la finalisation des calculs des derniers relevés. Donc pas de sortie en brousse et grasse matinée. Il est prévu qu'elle travaille avec François et Sylvie jusqu'à midi, préparatif pour le concert vers 17h. Le concert est programmé pour 19h30 et le dîner dansant à 21h. Nous avons donc tout notre temps pour que Nathalie me raconte comment elle a réussi à surmonter le traumatisme de ce mariage empoisonné. Pour l'instant, elle est couchée sur le dos, un bras autour de mes épaules. Sa poitrine se soulève à un rythme lent et paisible. C'est sans doute comme cela qu'elle respire pendant ses séances de yoga. Son beau visage apaisé, les yeux fermés, on pourrait croire qu'elle dort. Je caresse son ventre, puis doucement, je retire ma main. Une pression de ses doigts sur mon épaule. « Ne t'arrête pas, ça m'apaise. » Dans un souffle à son oreille, je demande « À quoi penses-tu » La réponse a de quoi surprendre et je suis surpris. À mon fantasme préféré. Comme toujours, lorsqu'elle me prend à contre-pied, je bafouille un peu. « Ton fantasme préféré. » Elle ouvre les yeux, un tendre sourire, un regard faussement étonné. « Oui, pourquoi ? Parmi toute ma panoplie, il y en a un de très particulier. » Pas toi. Il y a 10 minutes, nous étions plongés au cœur de l'enfer de son mariage. Passer du drame à l'érotisme, sa façon à elle, de chasser les mauvais souvenirs. J'essaie de répondre le plus honnêtement possible. Si bien sûr, et tu le connais bien. Et toi, à quoi pensais-tu? J'ai droit à son sourire de petit diable. En plus des envies que nous partageons, j'aurais aimé vivre à Venise au XVIe siècle. D'accord, mais c'est un rêve ça. Ce n'est pas un fantasme. Ses yeux se rivent aux miens. Tout comme Chiara, la putain magnifique que tu as connue en Algérie, j'aurais voulu être une grande courtisane. Courtisane et femme de lettres, comme le fut Veronica Franco. Une courtisane et poétesse vénitienne du XVIe. Voilà qui est inattendu. Femme de lettres pour une scientifique. Mais c'est là, justement, l'intérêt d'un fantasme, c'est qu'il te donne plein de super pouvoirs. Je ne serai pas plus femme de lettres que courtisane. Il ne me semble pas avoir les dons pour ça, et c'est bien dommage. Je prends un téton entre le pouce et l'index et le roule délicatement entre mes doigts. Là, ça reste à démontrer. Et comment est venu ce fantasme? Je suppose qu'il y a eu un élément déclencheur. Elle se tourne légèrement pour que je change de sein. L'année dernière, j'ai lu un roman s'inspirant de la vie de Veronica Franco. J'étais bouleversé. Tenir salon le jour pour y discuter poésie et philosophie, et le soir recevant dans son lit l'homme que l'on a choisi parmi tous ceux qui ont fait assaut de galanterie. Ces mêmes hommes qui t'ont couvert de cadeaux comme une princesse dans l'espoir de passer une nuit dans tes bras. J'effleure doucement l'autre téton et lui rend son sourire. C'est en effet un très beau fantasme, mais quel peut bien être le rapport avec ton récit? Il y en a un, et il est très étroit. Ce sont des courtisanes qui t'ont arraché aux démons de la guerre, et c'est leurs homologues masculins qui m'ont arraché à ceux du désespoir et m'ont réappris à aimer mon corps et celui des hommes. Ma tête ne doit être qu'un immense point d'interrogation. Les homologues masculins des courtisanes. Tu veux dire les gigolos? Oui, mais non, pas exactement. Le gigolo travaille en freelance. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Elle bascule, passe une jambe par-dessus les miennes, et tout en parlant, prend à son tour le contrôle de mes tétons. Tout de suite après mon divorce, Peggy m'a récupéré avec Peter. J'étais dans un triste état, tant sur le plan physique que psychologique. Essaie de m'imaginer avec 20 kilos de plus. Ça, c'est les antidépresseurs et ma boulimie chronique. Plus les cheveux raides et mal coiffés. Ce pervers avait réussi à me faire devenir ce qu'il voulait que je sois, une véritable souillon. Donc, après un séjour dans son appartement de Tribeca jusqu'à mon divorce, Peggy nous a installés dans sa villa de Reno au Nevada, où elle possède une agence immobilière dans laquelle elle se rend chaque semaine. Peter et moi occupions une aile de la maison avec une chambre pour la nounou cubaine embauchée à New York. Je n'étais pas capable de vivre seul et encore moins de m'occuper toute seule de mon petit. Lors d'une soirée à New York, j'avais connu Peggy qui travaillait aussi pour un fonds de pension à Wall Street comme consultante. Avec sa rémunération et les revenus de son agence, elle gagnait en 2 jours ce que je gagne en 1 mois à l'ambassade. Prise par une vie professionnelle intense et d'un caractère très indépendant, Peggy était célibataire. Hormis ses amis, aucun homme susceptible de devenir un amant n'était admis à passer sa porte. Elle m'avait dit un jour « J'aime trop les hommes pour me limiter à un seul. Peut-être tomberai-je amoureuse un jour, mais pour cela, il faudra que ce soit quelqu'un d'exceptionnel. Et je ne mets surtout pas l'argent dans mes critères de sélection. » Peggy a été adorable. Doucement, elle m'a fait me remettre au sport. Chaque semaine, lorsqu'elle venait à Reno, nous partions courir tous les deux et elle m'avait fait inscrire dans une salle de fitness tenue par un de ses amis. Seulement voilà, si les kilos se prennent facilement, c'est un peu plus dur de les éliminer. Mais au bout de 3 mois, j'étais redevenu présentable. Un peu potelé, tout de même. Les flatteurs auraient dit pulpeuse. Séances de coiffeur, de pédicure et manucure, plus shopping avec Peggy, avaient refait de moi une femme désirable. Désirable, peut-être, mais qui n'éprouvait plus aucun désir. Côté libido, c'était complètement mort. Peggy avait bien essayé de me traîner à quelques soirées. Mais les rares hommes qui s'étaient aventurés à me draguer avaient dû craindre ce qu'ils lisaient dans mes yeux. Au bout de quelques minutes, ils trouvaient toujours un prétexte pour battre en retraite. Peut-être y lisaient-ils de la peur, mais pas seulement. Les hommes me faisaient horreur et la simple idée que l'un puisse me toucher me donnait la nausée. De façon tout à fait inconsciente, j'assimilais le pénis à l'avilissement que j'avais vécu et la psychothérapie que je suivais depuis des mois n'y avait pas changé grand-chose. Je lui gratte le bout du nez. C'est le geste de tendresse qu'elle apprécie le plus. Si je compte bien, cette époque correspond aux 6 mois qui ont précédé ton départ pour la France. Oui, à peu près. Pourquoi? Parce qu'en 4 ans, la métamorphose tant sur le plan physique que sur celui de la libido est totale et impressionnante. Oui. Ces années horribles sont bien loin derrière moi, mais je ne les ai pas oubliées pour autant. Elle m'adresse un sourire câlin. C'est sans doute pour ça que j'ai craqué avec Gabriel. Je me suis revu 4 ans plus tôt, blessé et traumatisé. Outre le plaisir qu'il nous a donné, j'ai éprouvé une joie intense à sentir cet homme renaître à la vie. Tout cela multiplié par 2 puisque j'étais dans tes bras. Lorsque je repense à ces instants magiques, j'en suis encore très ému. Je lui fais un bisou très tendre. Tout autant que moi, mais l'Institut de Tantra a été pour beaucoup dans ta résurrection. Ça n'a pas été l'essentiel. Ah bon? J'avais pourtant cru comprendre que... Elle ne me laisse pas terminer ma phrase. Non, c'est l'initiative de Peggy qui a tout amorcé. Ah, ne va pas me dire qu'elle t'a converti à l'homosexualité. Elle rit. Oh non, bien que je ne déteste pas la douceur des caresses d'une femme... Je suis résolument hétérosexuel et, en dehors d'une franche amitié et d'une profonde complicité, il n'y a jamais rien eu entre Peggy et moi. Non, en parlant d'initiative, je faisais allusion à toute autre chose. Elle prend un malin plaisir à faire durer le suspense. Ses yeux malicieux scrutent chacune de mes expressions, de la curiosité à l'impatience. Bon, et quelle est cette autre chose? Elle rit. Je croyais que la curiosité était l'apanage des femmes. Je connais un homme qui les vaut bien. Je m'en défends. Non, ce n'est pas du tout ça. En général, je ne suis pas curieux de la vie des gens, mais tu n'es pas les gens. Tu es celle que j'ai dans le cœur, et bien que chacun de nous ait droit à son jardin secret, je voudrais fusionner avec toi, au point de tout connaître de toi. Son regard devient très très tendre et ses mains toutes douces. J'aime tant quand tu me parles comme ça. Ta voix change, tu me fais fondre. Elle se reprend. Mais avant de fondre, je vais t'expliquer en quoi consiste l'initiative de Peggy. Ensuite, je n'en fondrai que mieux. Elle est diabolique. Ses yeux pleins de désir sont une invitation à ne pas attendre en même temps qu'ils me tiennent à distance. Encore un effort de concentration et son regard devient sérieux. Enfin, une petite étincelle, pas sérieuse du tout, me laisse entendre que ce qui va suivre pourrait ne pas être très convenable. Je ne vais pas être déçu. Elle s'éclaircit la voix. C'était un jeudi soir. Peggy était arrivée de New York en fin d'après-midi. Peter dormait, la nounou avait congé pour la journée jusqu'au lendemain. Chacune, un bout du canapé, nous lisions un magazine. Peggy a baissé le sien sur ses genoux et m'a demandé si j'étais partante pour une sortie entre filles le lendemain soir. C'est vrai, j'avais repris du poil de la bête, mais elle ne me voyait pas pour autant dans une de ces soirées où il me faudrait me montrer désagréable, pour évincer quelques hommes en quête d'une bonne fortune. Je lui ai répondu que je voulais bien aller boire un verre quelque part, mais sans plus. Peggy s'est mise à rire et m'a répondu qu'elle voulait m'amener dans un endroit où les hommes savent se tenir et restent à leur place, si on ne les sollicite pas. J'avoue qu'elle a piqué ma curiosité. Je lui ai demandé si elle connaissait déjà cet endroit. Autre rire pour me répondre qu'elle y allait à l'occasion lorsque ses hormones la travaillaient et qu'elle n'avait rien à se mettre sous la dent. J'ai été prêt à rentrer dans ma coquille, mais elle m'a assuré que ce n'était pas un bar à drague. J'ai dit à Peggy que je lui faisais confiance et que c'était OK. Elle a décroché le téléphone et a commandé une limousine pour le lendemain à 20h30. Devant ma surprise, elle m'a expliqué que c'était à l'extérieur de la ville, à plus d'une demi-heure, et qu'il valait mieux faire la route le plus confortablement possible. Elle a ajouté que je devrais m'habiller chic, mais simple. Le lendemain, la limousine était pile à l'heure et nous attendait devant la maison. Peggy et moi avions choisi le même style de robe, ou plutôt, c'est elle qui avait choisi la mienne. En jersey stretch noir avec fil d'argent, elle était raisonnablement décolletée et s'arrêtait aux genoux. Pochette assortie et petit pendentif complétaient ma tenue. Quand j'ai demandé à Peggy si je n'étais pas encore un peu ronde pour porter ce genre de robe, elle m'a répondu qu'au contraire, le jersey mettait mes formes à valeur et que le noir les estompait. Elle a ajouté que je devais en profiter avant qu'elle ne fonde et que j'étais à croquer comme un bonbon, précisant dans un éclat de rire qu'elle préférait sucer un bonbon plutôt que le croquer. Elle a manqué s'étrangler quand je lui ai demandé affolée si elle ne m'amenait pas dans un bar pour lesbienne. Bref, nous sommes partis pour nous garer une demi-heure plus tard sur le parking de ce qui semble être un bar de luxe. Le poste de garde, devant la porte du Millennium, c'était le nom de l'établissement, nous a laissé entrer sans problème. En passant, j'ai pu déchiffrer du coin de l'œil la plaque apposée sur la porte « Ladies Only » en grosses lettres bien visibles. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi cet établissement était réservé aux dames. Après un sas vestiaire, nous sommes entrés dans une salle comme je n'en avais jamais vue. C'était un carré parfait d'une cinquantaine de mètres de côté. Juste en face de l'entrée, le bar et au-dessus, la cabine du DJ. Ce qui était surtout remarquable, c'était le dénivelé en gradin d'une vingtaine de centimètres de haut tout autour de la salle. Les larges gradins étaient meublés de tables basses et de confortables banquettes de cuir occupées par quelques femmes seules et aussi par de petits groupes de trois ou quatre filles. Le décor était cosy, très chaleureux, avec une petite musique d'ambiance. À peine un mètre en contrebas, au centre de cet amphithéâtre quadrangulaire, une scène ou piste de danse d'une dizaine de mètres de côté était encore déserte. J'ai suivi Peggy qui avait l'air de savoir où elle allait. Nous nous sommes dirigés vers le bar en suivant le gradin du haut. Ce gradin était beaucoup plus large que les autres pour laisser un passage suffisant entre le dossier des banquettes et le mur. Ce mur était tendu de lourds rideaux bleu nuit. Un de ces rideaux mal fermés m'a permis d'apercevoir furtivement un box d'environ 3 mètres sur 4, luxueusement aménagé. Je n'ai guère eu le loisir de poser la moindre question à Peggy, qui, obliquant à gauche, nous a fait descendre en direction du bar vers une table libre. Donc, nous nous sommes installés à une table proche de la piste où nous avons aussitôt été rejointes par un jeune serveur très beau garçon. Peggy lui a commandé un Dom Pérignon, et comme je lui reprochais de faire des folies, m'a rétorqué qu'elle voulait que ce jour soit un jour de fête, et que je m'en souvienne comme d'un retour à la lumière après l'obscurité. Le serveur s'est éclipsé, et je me rappelle ce que m'a dit Peggy à ce moment-là. « Ton petit bonhomme a besoin d'une maman épanouie, qui lui transmette bonheur et joie de vivre. Pour que tu sois cette maman-là, il faut que tu sois une femme bien dans sa peau. Aujourd'hui est le premier jour de ta vie de femme fière d'elle et indépendante. Avant cette parenthèse de cauchemar, tu étais une étudiante insouciante. Considère cette soirée comme une soirée initiatique, la naissance de la nouvelle Nathalie. » Le serveur est revenu avec les bouteilles de Dom Pérignon dans un seau à champagne. Nous avons trinqué. À la vie, à l'amour. Petit à petit, la salle s'est remplie à moitié et la musique d'ambiance a été vite couverte par le brouhaha des conversations. Les serveurs s'affairaient et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué leur nombre inhabituel pour tout juste une cinquantaine de clientes. J'en ai fait la remarque à Peggy qui m'a expliqué amusé. Les serveurs sont aussi des artistes. Enfin, chacun à sa manière. Je n'avais pas très bien compris, mais je n'ai pas eu le temps de poser la moindre question. D'un seul coup, la lumière d'ambiance a décliné. Deux ou trois projecteurs ont illuminé la piste et une musique très rythmée a empli l'espace. Surgit de je ne sais trop où, Un clown abondit sur la piste sous les applaudissements et les cris perçants des spectatrices. Deux ou trois sauts périlleux pour terminer sur un grand écart. Avec un pantalon si large et ses immenses chaussures, c'était un exploit. Il a été aussitôt suivi par un autre clown qui a tenté d'effectuer les mêmes figures et s'est écrasé lamentablement au pied du premier. Cascade de rires et salve d'applaudissements. Les deux clowns se sont relevés. La musique a changé de rythme et les mouvements des deux personnages aux costumes grotesques ont évolué lentement pour devenir de plus en plus gracieux. Les deux compères ont enchaîné sur un mime de coups de chaleur et ont nettement manifesté l'intention de se débarrasser de leurs encombrants costumes sous les encouragements d'un public féminin survolté. D'abord le fauné, puis, après une volte, les affreuses chaussures. On suivit les chapeaux ridicules. Le rythme de la musique est devenu plus langoureux, alors qu'a commencé un déboutonnage synchronisé des vestes multicolores, des gilets puis des chemises qui ont volé dans un coin de la scène. La musculature dévoilée par les deux compères était d'autant plus impressionnante que les vêtements amples et bariolés ne pouvaient la laisser soupçonner. De clownesque, le déshabillage a vite pris un tour très érotique. Quelques savants pas de danse et sous les cris et les sifflets d'une cinquantaine de femmes déchaînées, les pantalons bouffants ont rejoint le reste des vêtements. Ces dames étaient très excitées, et il faut dire qu'il y avait de quoi. L'anatomie de ces deux hommes était une véritable œuvre d'art. Chaque muscle se dessinait sous la peau de deux corps d'une perfection telle que j'en avais le souffle coupé. Ce n'était pas un numéro de clown, mais ce n'était pas non plus qu'un numéro de striptease masculin. Après le déshabillage synchronisé, les deux hommes ont entonné une danse érotique. Cris de pamoison et invitations diverses fusaient de toutes parts du public féminin. Mais brusquement, à l'exception de la musique et enchaînée sur un autre rythme lent, le silence s'est fait. Sous les yeux ébahis de toutes ces dames, a commencé un numéro de main à main d'une poésie exceptionnelle. C'était féerique. Voir ces deux corps parfaits évoluer en quasi-apesanteur était sidérant, et j'ai été sidéré, pris au cœur par la beauté du spectacle, par la beauté de ces hommes. Deux mois plus tard, Peggy m'avouera m'avoir observé du coin de l'œil. Elle me dira « Avoir ton visage émerveillé, chez ceux qu'il faudra peut-être du temps, mais que c'était gagné. Il y avait de l'admiration et du désir dans tes yeux, un vrai désir de femme pour le corps de ces hommes. » Je prends un petit air détaché pour demander « Pourquoi donc a-t-elle attendu deux mois pour te le dire ? Je pense que c'était important pour toi de t'entendre confirmer que ta féminité n'était pas complètement éteinte. » Nathalie n'est pas dupe de mon air faussement détaché. « Parce qu'elle préférait que je ressente les choses par moi-même, au lieu de me les suggérer. À la fin de la soirée, qu'à l'évidence j'avais beaucoup apprécié, elle m'a vivement conseillé de retourner seule au Millennium, une fois par semaine. C'est de cette façon-là, a-t-elle ajouté, que tu briseras petit à petit la coquille qui t'enferme encore. » Au risque de l'agacer, j'essaie de lui faire préciser son propos. Pour qu'elle te dise cela, il fallait qu'elle ait perçu un changement de comportement de ta part. Contrairement à ce que je craignais, Nathalie ne s'agace pas de mon insistance. Elle entre dans le jeu. En fait, elle m'a amené là où elle voulait que j'aille pour que j'entende ce qu'elle avait envie de me dire. Il y a effectivement eu un changement important un mois après cette soirée. Ah, lequel ? Je ne m'attends pas à une réponse aussi directe. J'ai eu, enfin, plusieurs rapports sexuels très agréables après un an de blocage total. Je suis surpris, mais surtout profondément peiné. Un an, mon Dieu ! Te connaissant, c'est à peine imaginable. Je te l'ai dit, j'étais devenu moche parce que ce monstre m'avait persuadé que je l'étais, et je n'étais plus désirable du tout parce que je ne voulais plus être désiré. Et qu'est-ce qui t'a fait changer en un mois ? Elle rit. Là, c'est la bonne question. Avant tout, je dois cette lente remontée des enfers à la patience et à la détermination de Peggy. C'est elle qui, dès le début, a pris les choses en main en décidant de m'ouvrir les yeux. Puis s'est pratiquement occupé de tout pour mon divorce. La première soirée au Millennium et les deux mois qui ont suivi ont été la deuxième étape de ma reconstruction. L'objectif étant de pouvoir de nouveau regarder un homme sans angoisse et éventuellement avoir une relation sexuelle sans faire une crise de tétanie. Je m'exclame. C'était à ce point ? Oui. Et Peggy savait ce qu'elle faisait en m'emmenant au Millennium, dont elle connaissait la qualité des prestations. Il fallait que j'associe de nouveau homme, désir et tendresse, et non plus homme, domination et destruction. Et Nathalie poursuit. Les deux gymnastes ont terminé leur numéro en apothéose. sous les applaudissements et les sifflets enthousiastes, d'autant qu'au cours de leur dernière figure, la coque de tissu qui protégeait leur virilité avait disparu. C'était donc entièrement nu qu'ils sont revenus saluer pour plusieurs rappels. Waouh ! Pour une femme sexuellement bloquée, se retrouver à quelques mètres d'un homme tout nu, ça doit être un choc. Tu te moques, là ? Non, non, pas du tout. J'essaie simplement d'imaginer ta réaction. Nathalie adopte un ton très détaché pour me répondre. Ma réaction ? Eh bien, figure-toi qu'elle a été assez inattendue. Quelques contractions du périnée complètement incontrôlées qui m'ont laissé croire un instant que j'avais fait pipi dans ma culotte. Je dois avoir l'air ahuri. Nat éclate de rire. Rassure-toi, il n'en était rien et pour les autres, mes contractions périnéales n'étaient plus incontrôlées. Pour les autres ? Oui, il y a bien dû y avoir une bonne dizaine de numéros de striptease qui se sont succédés. Tous aussi élégants et raffinés les uns que les autres et en plus, on avait le droit de toucher. De toucher. Nouveau rire de Nat. Leur dernier bout de tissu enlevé, les stripteaseuses passaient entre les tables et continuaient leur danse devant et même parfois tout contre celle qui agitait un billet d'un dollar en quise d'appât qu'elle glissait ensuite sous le lacet que ces garçons avaient gardé autour de la taille. Et pour un dollar, tu pouvais les toucher. Certaines mettaient 10 dollars et les caressaient carrément à pleine main. Pour ne rien dire de plus, de celles complètement déchaînées qui allaient même beaucoup plus loin. Tu veux dire qu'elles ? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et Nathalie ne me laisse pas terminer. Non, j'ai juste effleuré quelques pectoraux. Mais Peggy ne s'en est pas privée et m'a regardé comme pour me dire « Tu vois, ça ne mord pas. » J'étais très troublé. Pas gêné, troublé. D'autant qu'après les manipulations et les bisous de ces dames, ces messieurs étaient en érection. J'imagine que ça n'a pas dû calmer ton trouble. Nathalie réfléchit quelques secondes. J'étais troublé au point même d'avoir envie d'en faire autant. Le champagne, la musique très rythmée, la danse de ces corps magnifiques qui passaient entre les tables, les cris des femmes qui tapaient dans leurs mains, tout cela était extrêmement excitant. Mais, j'avais une boule d'angoisse au creux de l'estomac dont je ne parvenais pas à me défaire. Elle ferme les yeux quelques secondes. Tu sais, c'est un peu comme pour une première fois. Tu as très envie, en même temps, tu as une trouille terrible. Je n'ai guère eu le temps de m'apesantir sur mon envie ou sur mon angoisse. Les numéros étaient terminés. Et les derniers stripteaseurs ont ramassé les quelques billets échappés de leurs lacets pour s'éclipser sous les acclamations. Il ne s'est pas passé 10 minutes avant qu'ils ne reviennent, à l'exception toutefois des deux gymnastes du premier numéro. Inexplicablement, j'en ai ressenti une sorte de frustration. Les autres, ils sont revenus tout nus. Petit rire. Non, ils étaient habillés. Débardeurs blancs et pantalons moulants bleu ciel. Leur mission, servir sur table et faire danser leurs admiratrices. Tu es allé danser ? Non. Parce qu'au même instant, l'un des deux gymnastes du début s'est approché de notre table et est venu saluer Peggy qui a fait les présentations. Nathalie, d'un camp, Nathalie. Même tenue que ses collègues ? Non, il était très élégant. Veste de coton bleu et chemise blanche aux manches retroussées. Pour le bas, pantalon de coton blanc avec mocassin blanc. C'était un très beau garçon. Cheveux noirs, peau cuivrée, nez aquilin. Yeux en amande. Je me souviens de son regard très particulier, envoûtant avec des iris dorés qui le faisaient ressembler à un chat. Il avait d'ailleurs toutes les caractéristiques d'un félin, tant au niveau de ses mouvements que de sa façon de parler. En fait, il écoutait plus qu'il ne parlait. Je le trouvais très attirant. D'autant que je l'avais vu tout nu, mais toujours ma boule à l'estomac qui m'empêchait d'être naturel et détendu. Il écoutait Peggy lui parler de moi et de temps à autre me regardait avec un très beau sourire. Avec la musique qui avait grimpé d'un ton et l'ambiance de plus en plus chaude sur la piste, il devenait difficile d'avoir une conversation sérieuse. Duncan nous a proposé de nous replier vers une des tables les plus éloignées et nous avons migré avec notre bouteille et nos verres sous le dernier gradin de la salle. Très galamment, Duncan m'a offert sa main pour m'aider à me lever. Je me souviens, elle était ferme, douce et chaude. Une fois réinstallé loin du tumulte, il était effectivement plus facile de se parler. Je crois que c'est à cet instant que j'ai remarqué que l'éclairage avait changé. L'essentiel de la lumière était concentré sur la piste, et au fur et à mesure que l'on s'en éloignait, l'éclairage se faisait plus discret, pour être quasiment absent au niveau où nous nous étions réfugiés. Peggy et moi étions sur la banquette et Duncan de l'autre côté de la table, sur large pouf qui, accessoirement, pouvait servir de méridienne. Nous n'étions pas les seuls à avoir investi les banquettes du fond. Quelques couples de clientes et de stripteaseurs avaient pris la même initiative. manifestement pas seulement pour discuter. D'autres, d'ailleurs, avaient disparu derrière les rideaux des box, juste derrière nous. Ce qui me surprenait, c'est que la piste ne désemplissait pas. J'ai fini par comprendre que chaque homme pris par une dame était aussitôt remplacé de telle façon que celle qui le souhaitait pouvait encore danser ou... Elle me regarde d'un air coquin. Tous les box devaient d'ailleurs être pris car un couple n'avait trouvé d'autre refuge qu'un peu plus loin sur une banquette. La dame semblait innocemment assise sur les genoux de son chevalier servant et lui tournant le dos. Il fallait une observation attentive pour déceler sa robe remontée, l'ondulation de ses reins et l'expression extatique de son visage. Je prends mon air le plus sérieux. D'après la scène que tu me décris, c'est le chevalier qui servait de monture. Nouvel éclat de rire de Nathalie. Je demande. Avec un tel environnement, il devait être difficile d'avoir une conversation cohérente. Nathalie poursuit, amusée. Pour moi peut-être, mais ni Peggy ni Duncan ne semblaient remarquer la scène qui se déroulait à deux tables de nous. Pas plus qu'ils n'entendaient certains bruits, très atténués certes, mais non moins évocateurs de ce qui se passait dans les box. J'ai très vite été obligé de recentrer mon attention sur mon environnement immédiat, car Peggy avait entrepris de m'expliquer qui était Duncan. À l'exception du enchanté de rigueur au moment des présentations, Duncan et moi n'avions pas échangé une seule parole. Nous écoutions Peggy exposer nos CV respectifs. C'est ainsi que j'ai appris que Duncan, passionné de gymnastique, était en dernière année de psychologie à l'université de Reno et qu'il travaillait au Millennium pour payer ses études. Je me suis étonné de ce qu'il puisse poursuivre des études de haut niveau tout en passant ses soirées au Millennium. Il a eu un sourire très doux. Le sourire de Peggy, quant à lui, m'a paru un peu moins innocent. Duncan m'a répondu qu'il ne venait au Millennium que deux soirs par semaine, le mercredi et le vendredi. J'avais peut-être perdu ma libido, mais pas mes capacités de calcul mental. Le compte était vite fait. Deux soirées, même avec les pourboires, ne suffisaient pas à financer de telles études. Je n'ai rien dit de mes déductions. Mais Peggy savait où elle voulait m'amener et m'a dit d'un ton détaché qu'en plus de ses numéros, Duncan donnait des consultations particulières. Je m'en suis étonné et Peggy m'a expliqué que l'établissement était réservé aux dames et que le personnel masculin leur était tout dévoué. En deux mots, le Millennium était une maison close et Duncan y était pensionnaire, mais à temps partiel. Elle m'a précisé en riant que seul l'État du Nevada autorisait ce type d'établissement partout hors la loi, aux États-Unis. Comme je restais de marbre, Duncan m'a demandé si j'en étais choqué. Ce à quoi je lui ai répondu que si cela avait été le cas, je serais déjà parti depuis longtemps. Mais que par contre, j'étais surprise qu'il perde un temps précieux à bavarder avec nous. J'ai aussitôt ajouté que si j'appréciais beaucoup sa compagnie, j'aurais cependant quelques scrupules à en abuser. À son regard bienveillant, j'ai tout de suite vu qu'il savait que je ne voulais pas l'offenser, mais que je m'inquiétais sincèrement de lui faire perdre son temps. J'ai précisé. J'ai été moi-même étudiante il n'y a pas si longtemps et je ne sais que trop ce que coûtent des études supérieures. Elle me fixe de son regard bleu. Sais-tu ce qu'il m'a répondu ? Non. Que sa soirée était déjà entièrement payée.